Activité 11. 1. Oui, c'est Jacques. Alors, samedi, je ne travaille pas au magasin de moto. On peut aller au parc faire du vélo. Après, on peut faire des crêpes chez moi. Appelle-moi. 2. Salut, c'est Clara. Tu es toujours d'accord pour aller au centre commercial acheter un pantalon? Toi, tu veux une chemise, c'est ça? Rendez-vous à 11h. 3. Salut, c'est Lucie. Samedi, on peut aller au marché pour acheter les fruits. Mais pour les boissons, on va au magasin. D'accord? Appelle-moi.